plein d'insouciance et de romance. Je pense tout doux doux doux tout tout à des amours vécus, mais ce n'était pas les miens. Tout doux doux doux tout tout. Je remplis ma panse d'outrance malérien. Tout doux doux doux tout tout. Et devant la Glasgow, je régurgite mes chances. J'aurais voulu t'aimer sans te voir, sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir, sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir. Dans des allées pleines de cailloux stoïques, tout doux doux doux tout tout. Je me balade et tranche mes rides, tout doux doux doux tout tout. Les clapotis des gouttes sévères d'abîme, tout doux doux doux tout tout. Soit malgré lui d'un ventre tout recrique. J'aurais voulu t'aimer sans te voir, sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir, sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir. Solo. Devant des sorcières peut se réveiller fier. Tout tout tout tout tout tout. On est tous malheureux, faudrait peut-être mieux. Tout tout tout tout tout tout. Se prendre des vipères, redoubler de prières. Tout et c'est que trop dire, s'abaisser en mafieux. J'aurais voulu t'aimer sans te voir, sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir. J'aurais voulu t'aimer sans te voir.